Est-ce qu'on peut prédire un avenir, un bel avenir à l'écho? Monsieur Bachir, Monsieur le Président. la première émission que vous avez organisée ici à la suite de ce crime contre l'humanité de plus qui vient de se passer en Côte d'Ivoire, qui est sous occupation française depuis plus de 10 ans, bientôt, j'avais insisté ici sur les problèmes de forme, vous vous souvenez? Oui. En passant, je salue mon ami Dr Tchakounté. J'avais insisté sur le problème de forme. C'est moi qui vous avais dit ici que c'est quelle affaire ça? On parle du monde de l'humour, on voit deux personnes. Deux personnes. Bon, ce sont des êtres humains, hein. Ils sont trop courageux. On voit deux personnes, un Français. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il a fait dans nos affaires? On voit un Français qui est là. Et puis on voit son sous-préfet, qu'il a installé au pouvoir en bombardant le palais présidentiel et en capturant un président élu démocratiquement, le président Gbagbo, pour le déporter à la cour pénale et après avoir humilié son épouse par l'entremise de ces rebelles, de criminels qui ont suppléé les militaires français qui avaient honte qu'on les voit, que l'image qu'on voyait, parce que ce sont les militaires français blancs en direct qui sont entrés au palais présidentiel. C'est LCI qui montrait, je suis désolé, lorsqu'ils ont vu que vraiment le monde entier voyait que c'était très grossier, n'est-ce pas? Ils nous ont fait remplacer rapidement par ce qu'on appelle rebelle, être rebelle. Donc, mon cher Bachir, ces deux présidents, vous avez dit, mais où sont les autres présidents? Alors, il nous dit, il est président d'exercice de l'UMOA et qu'ils lui ont donné mandat. Quand? C'est quand même très grave, hein? Quand? Au nom de quoi? Monsieur Ouattara peut faire ça aux autres présidents. Tout à l'heure, je vais dire pourquoi. Que le docteur Tchakounté, professeur Bourou, qui parlent de la technique là. Ils sont là ce soir, donc moi, je ne vais pas perdre le temps là-dessus. Moi, je fais de la géopolitique et de l'économie politique. Moi, je vais insister là-dessus. Donc, je laisse les choses techniques là au professeur Bourou et au docteur Tchakounté. Donc, ça dit que, Bachir, c'est quand même très grave. La forme détermine le fond, cette affaire. On ne peut pas comprendre pourquoi M. Ouattara et M. Macron traînent comme ça dans la boue les autres présidents de l'UMOA. Mais je vais dire pourquoi, Bachir. Et ça me fait entrer dans une autre question de forme, sur laquelle moi j'insiste toujours. J'ai dit quand le franc CFA est né en 1945, c'était trois Français qui étaient assis, qui signaient, qui ont créé ça. C'est-à-dire, écoutez bien. La France parlait avec la France. La France est venue signer avec la France. Ok. Trois Français étaient assis. Et il y a deux Français qui représentaient, je crois, la métropole et un qui représentait les colonies. Mais c'était trois Français. C'est comme ça qu'on est venu signer l'affaire là. Il faut que De Gaulle a créé ça par décret. Et c'est encore grave. On crée par décret. C'est un décret de De Gaulle qui crée le franc CFA. Et ça a un sens. Quand on connaît l'impact du franc CFA, ça veut dire que nos économies africaines sont créées par décret de De Gaulle. Je parle des choses que les gens comprennent. Hein. Oui. De Gaulle crée les économies africaines par décret. Pourquoi? Parce qu'avant le franc CFA, mon cher Bachir, les économies africaines faisaient de l'économie précoloniale, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on fonctionnait très bien. On vivait l'économie précoloniale. Ça fonctionnait très bien. On n'enviait personne. Quand les colons arrivent, ils tuent les chefs. Et coupe leur tête et désorganise l'économie qui était en place pour la remplacer par une économie coloniale. Écoutez bien. Désormais, les Africains ne produisaient plus pour eux, pour leurs intérêts, par eux, en eux et, par, et pour eux. Désormais, ils ont commencé à produire pour le compte de l'économie coloniale, Bachir. Il ne faut pas faire comme ça dans le temps, parce que c'est très important ce que je viens de vous dire. Vous allez comprendre pourquoi, depuis ce moment-là, on ne fait pas d'économie en Afrique. Je l'ai toujours dit ici. Souvent, ça va choquer mon ami, certains Tchakounté, parce qu'il croyait que quand je le dis, je remettais en cause les compétences des gens comme lui. On s'est compris depuis là. Mais je dis pas que on ne fait plus d'économie en Afrique. Ce qu'on fait en Afrique, c'est l'économie coloniale créée par De Gaulle, par décret. Parce que le franc, c'est pas quand tu le crées, ça veut dire que désormais, cette monnaie-là est le symbole, n'est-ce pas, de l'économie coloniale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette monnaie capte, va concentrer toutes les activités économiques qui vont se faire dans la zone franc. Or, ces économies-là vont fonctionner par décret. Ça veut dire que désormais, tout ce que vous faites là, c'est la France qui va encadrer ça, qui va gérer ça, qui va garantir ça avec ce qu'on appelle, ce monde qu'on appelle la zone franc. Parce que c'est important ce que je dis. Rien n'a changé depuis 60 ans, depuis 75 ans. Rien n'a changé. Toutes les réformes qu'il y a eu dans la zone franc, sont des chimères. Il fallait ces réformes-là pour consolider davantage la même mise de la France. Les réformes qui ont été faites dans la zone UMOA, les gens vantaient ça ici, mais c'était pas simplement parce que dans la zone UMOA, l'économie était entre les mains des Français et il fallait qu'ils aient de la monnaie, des liquidités. Donc on a fait des réformes là-bas, mais en zone CEMAC, les réformes là ont consisté en quoi ? Il y a eu quoi ? Donc rien n'avait changé de manière fondamentale. Bachir, de nos jours, qu'est-ce qu'on voit ? Monsieur Macron est venu à Abidjan, il a fait son cinéma pour créer le co. Et on nous dit, il y a monsieur Macron, blanc, et il y a monsieur Ouattara qui est africain. Bachir, ça va passer comme ça. Monsieur Ouattara, ce n'est pas un africain. De peau, oui. Mais de vie, de pas ses intérêts. Mais il n'est pas africain, il veut même pas, il n'aime pas les Africains. Lui, c'est un étranger. C'est un étranger. Donc, la France a-t-elle signé encore avec qui ? La France signe avec elle-même encore. Monsieur Bachir. Un, monsieur Ouattara ne représente pas les Ivoiriens. Ils ne l'ont jamais élu. Alors, et maintenant, monsieur Soro va encore parler. Hein? Ah oui, il va encore parler, monsieur Bachir. En tout cas, il est le président de la Côte d'Ivoire. Il représente les Ivoiriens. C'est un sous-préfet qui a été imposé par la violence la plus abjecte à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire. Je ne me tairai jamais par rapport à ça. Vos convenants diplomatiques, je ne céderai pas à ça. C'est la vie d'un continent qui est en jeu. C'est la vérité que je dis, mon cher Bachir. Monsieur Ouattara a été imposé au pouvoir par la violence la plus absolue. Ce qui est grave, c'est que c'est au XXe siècle qu'on a prétendu civilisé. C'est au XXIe siècle. Prétendument civilisé et démocratisé par l'Occident. On l'a imposé par la violence. Il n'est pas bouc, il n'est pas ivoirien. C'est un Burkinabé. Alors, demain, je suis dans l'écho. Je vous ai dit que moi, je parle de la forme. Oui. Les affaires là, les techniques, c'est ça. Pour ça, Abou, Takunte. Quand ils sont là, je ne parle pas des choses techniques. Donc, je me concentre sur les choses importantes, parce que c'est ça qui est important. Monsieur, vous avez dit demain que monsieur Compaoré est ivoirien, non ? N'est-ce pas ? Ce monsieur a été président de son pays pendant 22 ans. Quand on le chasse, il devient ivoirien. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas quand même le chiffon. Ce n'est pas un chiffon, ce pays, bon sang. Ce n'est pas un chiffon. Pour monsieur Compaoré, les Ouattara et les autres, ce n'est pas un chiffon, la Côte d'Ivoire. Ce sont mes frères, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, monsieur Ouattara, le mandat, il n'a pas été élu par les Ivoiriens. Au nom de quoi il engage le sort de ce pays en allant signer ça à monsieur Macron, monsieur Bachir. Et maintenant, parlons des autres pays. Là, le Niger. C'est un pays pratiquement sous occupation. Je suis heureux que le président ici sorte enfin, évolue un peu. Mais qu'est-ce que les bases militaires font chez lui? Et on sait très bien ce qui se passe dans tout. Chaque fois qu'il y a un président au Niger qui a osé dire non à la France, il a été renversé, soit tué. Je prends le cas de M. Tandja Mamadou et l'ancien président qui est mort, on l'appelait encore Barry Maïna Sara et les autres. Le Mali, la France a installé les terroristes, les a encadrés, les a armés. Ce pays est divisé en deux à l'heure où on parle. L'État malien est sous perfusion terroriste à l'heure où on parle. Et maintenant, dans ce travail qu'on a fait, les députés maliens ouvertement disent que non, c'est trop, arrêtons l'hypocrisie, c'est la France qui nous dérange. Monsieur Bachir. Le Burkina Faso est à genoux, agonise, massacré par la France. Monsieur Bachir. Le président Cameroun ne reste même plus chez lui. Les djihadistes ont dit on va prendre ça. Bachir, c'est avec les présidents comme ça qu'on a tenu au cou, avec la gorge serrée comme ça par la corde terroriste, on leur dit venez signer l'écho. Ça vous dit rien? Ça l'appelle le même contexte de 47, le même contexte de 58-59 quand on a l'indépendance, où la France a imposé au pays de signer les accords secrets de coopération sous le feu, après avoir tué tous les patriotes, massacré les patriotes, coupé leurs têtes, exposé leurs têtes dans les villes, mon cher Bachir. C'est quoi ça? C'est un état nazi, la France. Vous voulez que l'on mieux faire de diplomatie ici? Voilà les faits. Voilà les conditions géopolitiques dans lesquelles l'écho est né, Bachir. Inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Il n'y a qu'en Afrique où on voit ça. Ça aurait été ailleurs, les jeunes seraient en armes pour chasser la France. Mon cher Bachir, je dis et je l'assume. Ça aurait été ailleurs, ne me coupez pas. Je ne vous coupe ça aurait pas, été ailleurs. Oui, ça aurait été ailleurs. Je répète, les jeunes seraient en armes, comme les jeunes français l'ont fait sous la occupation allemande. Et ils ont appelé ça résistance. Quand c'est nous en Afrique, ils disent que sentiment anti-français. On s'en fout. On n'est pas obligé d'aimer les Français. Ça ne nous apporte rien d'aimer la France. Donc, ce sont des faits que je donne. Maintenant, continuons sur le problème de forme. Bachir, le franc CFA, professeur Abouboulé vous l'a dit, mais non, là tu vous dis ici, est un secret d'État en France. Vous le savez? On ne parle pas de ça au Parlement français. Et aucun parti politique ne parle du franc CFA. Aucun parti ne met ça sur le débat politique, dans le débat politique en France. Tous les partis, y compris les partis communistes et les gauches. Aucun, Bachir, c'est un secret d'État. Or, c'est un secret d'État qui engage, qui concerne une organisation qui engage la France et 15 pays africains, Bachir. 15. Bachir, vous me dites comment assimiler ce silence de toute la classe politique française, sa société civile, ses intellectuels, sur le franc CFA? Non, le monde entier nous entend. Comment peut-on analyser le silence de toute la classe politique française? Ce n'est pas le cinéma que Marine Le Pen fait là. Elle parle de ça deux fois, elle fait le cinéma, après ça, son vrai visage apparaît. Elle dit, comment peut-on me dire qu'en France, les intellectuels, le clergé français, puisque la France est la sœur et le fils aîné des catholiques, avec leur soutane et leur croix de Jésus là, comment aucun clergé, le clergé français, la classe intellectuelle française, la société civile française, tous les partis, les députés au Parlement, personne ne parle d'un accord qui lie la France à 15 pays africains, Bachir. Alors on pose une question. Quel est cet État-là qui en même temps une démocratie et un empire colonial? Vous pouvez m'expliquer ça? Empire colonial néo-nazi. Puisque le franc CFA est d'essence nazie, mon cher Bachir. On vous l'a démontré. Je veux que vous m'expliquiez. Il faut que le monde entier entende, Bachir. Est-ce que vous me dites quel est ce monstre étatique qui en même temps une démocratie dans laquelle les conventions qui engagent la France avec 15 pays étrangers ne sont débattues ni au Parlement, ni dans le débat politique, mon cher Bachir. Vous appelez ça la démocratie? La démocratie en France? On continue. Alors. On va plutôt chuter. Mon cher Bachir. Président Van Dakar. Vous pouvez m'expliquer le silence de tous ces gens en Europe et partout qui combattent l'antisémitisme, qui disent qu'être antisémite, c'est un crime. C'est-à-dire être contre, nier le génocide de juifs, c'est un crime, mon cher Bachir. N'est-ce pas? Ils ont raison, au regard de ce qu'ils ont fait. Mais dites-moi pourquoi on peut être contre l'antisémitisme pour chasser notre compatriote Mbala Dieulené lorsqu'il fait son théâtre. C'est-à-dire on suivait ses mots, on traite les mots d'un acteur de théâtre. C'est-à-dire, on, Bachir, vous voyez qu'ils vont contre un pays. C'est-à-dire, on traite les mots d'un acteur, c'est-à-dire d'un comédien. On traque ces mots pour y déceler les fragments et les tendances antisémites. Tu comprends ça, Bachir? Et les mêmes gens, c'est-à-dire les Juifs, l'État d'Israël, et tous ceux-là qui sont dans le combat contre la négation, contre le négationnisme, ce qui s'est passé aux Juifs, comment font-ils pour se taire alors que la France a simplement repris en son compte le système monétaire nazi de Hitler pour transférer ça en Afrique? Mon cher Bachir. Ah oui, il faut qu'on se dise la vérité, monsieur. Pourquoi ils se taisent? Et ça pose un problème sur la nature de leur combat, monsieur Bachir. Parce que là, moi, je vais chuter. Depuis 10 ans, je crie ici que vos petites de bonne gouvernance, là, je ne parle pas de ça. Bonne gouvernance, c'est pour des nègres idiots. Démocratie, machin, j'ai dit que on ne démocratise pas les néocolonies. Les néocolonies font la libération. S'il y a démocratie en néocolonie, c'est une démocratie de la libération, anti-impérialisme, mon cher Bachir. Mais il y a des gens qui découvrent la géopolitique, sont devenus savants parce qu'ils interviennent sur Afrique Média et ailleurs, ils donnent leurs leçons. Bachir, on peut garantir, comment un pays comme la France peut garantir des économies mal gouvernées et mal gérées? Bachir, vous avez vu qui, même un idiot, allait garantir une affaire qui va foirer, mon cher Bachir? Si la France, qui est adoré par tous ces gens-là, les pro-démocrates, là, tous ces gens-là, n'est-ce pas, qui parlent de bonne gouvernance, de l'homme à ses consorts. La France est adorée par vous. Maintenant, si votre patron garantit l'économie mal gérée, pillée des pays de son pré-carré, Vous voulez parler de bonne gouvernance? Ça veut dire que la France encourage, parraine, à dire, assure la tutelle de la mauvaise gouvernance. Le débat là est clos. Et désormais, donc, un pays qui est en même temps empire colonial, néo-nazi et démocratie, c'est-à-dire un empire nazi en fait, ne peut pas donner de leçons de démocratie à d'autres pays. Et je salue le fait que Bachir, l'écho est une monnaie mort-née. Là, maintenant, je termine en répondant à votre question. C'est une monnaie mort-née parce que la CEDEAO a dit ils ne sont pas dedans. C'est des bêtises. La CEDEAO a dit nous, on entend par écho notre monnaie qui devait avoir, il n'y a pas de parité fixe, il y a la flexibilité paritaire. Notre monnaie, c'est un arrimage à un panier de monnaie, à un panier de monnaie internationale. C'est une seule banque centrale. Et les critères de convergence viennent après, c'est-à-dire les bêtises que va falloir traverser, tout le monde comme un perroquet. Cette affaire où on dit, n'est-ce pas, restant en dessous de 3% du produit intérieur brut de déficit, de 10% d'inflation, une dette, n'est-ce pas, inférieure à 70% du produit intérieur brut. Voilà ce que Ouattara appelle ces critères de convergence. Il ne parle pas de ce que la CEDEAO réclame, à savoir la flexibilité paritaire, l'arrimage à un panier de monnaie, une seule banque centrale. Le Nigeria a dit, il y a plus grave maintenant. Le Ghana, Bachir. Le Ghana a répondu, le Ghana a écrit une... Très bien, dont le président, c'est pratiquement un fils de M. Alassane Ouattara, qui était son invité d'honneur à son investiture, lui aussi vient de dire, nous n'avons rien contre l'écho, sauf que l'écho que nous en parlons là, c'est l'écho où, n'est-ce pas, il n'y a pas de parité fixe. La France ne garantit pas notre monnaie. Et on est arrimé à un panier de monnaie internationale, une seule banque centrale. Alors, Bachir, c'est ce qui reste au Cameroun. Là, maintenant, on est en train de dire que le diable va arriver au Cameroun. Qu'est-ce qu'il veut faire au Cameroun, M. Bachir? Ça ne vous dit rien, ça? Ça ne vous dit rien? Parce que le Nigeria a dit niet, le Ghana a dit niet. M. Macron est bien conscient que son humour là ne vaut rien. C'est un mort-né. Il faut qu'il commence à vouloir faire pression sur l'Afrique centrale pour le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous reveniez? On en parlera. On en parlera. Malheur aux pays africains d'Afrique centrale qui vont rejoindre l'écho. Malheur. On en parlera d'ailleurs. Merci, président Mandakani. Afrique Média. Le monde, c'est nous.